On va parler de golf en plein mois de janvier. C'était l'Assemblée générale annuelle du club de golf de Saint-Prime. Ça se passait dimanche et c'est un déficit après mobilisation de 36 000 sur un budget d'environ 500 000 $. Pour parler de l'année, on parle avec Rémi Curtinus, le président du club de golf de Saint-Prime. Salut Rémi. Bonjour, M. Barry. Rémi, est-ce que c'est quand même positif dans l'ensemble, compte tenu, bon, il n'y a pas eu de la belle température, ça a été difficile, on peut dire que c'est quand même positif? Ben, en fait, j'ai utilisé deux termes pour m'adresser à l'Assemblée générale. J'ai utilisé le terme « ordinaire », ordinaire sur le plan des résultats financiers, puis c'est, comme tu viens de le dire, là, largement imputable au temps exécrable qu'on a eu en fin juin, tout le mois de juillet et début août, puis c'est la période la plus achalandée au club. On s'en était déjà parlé, ouais. Dani, je t'avais dit que c'était le festival des cancellations là en juillet, ouais. C'était assez affreux. Alors ça fait en sorte qu'effectivement, avec un déficit d'au-delà de 35 000 $, j'ai qualifié ça d'ordinaire, mais tout le reste de la saison à Saint-Prime sur le lac Saint-Jean, j'ai qualifié ça d'extraordinaire sur plusieurs plans. Là, je peux t'en parler si tu le souhaites, oh, oui. Mais c'est pour ça que je qualifiais la saison d'ordinaire et d'extraordinaire. Mais moi, ce que je retiens, c'est Gilles Larouche, parce qu'en dernier, tu ne faisais plus d'entrevue, tu étais parti pour la chasse, mais c'est Gilles Larouche qui faisait les dernières entrevues, puis il me disait, au-delà de tout ça, la fierté est revenue au club de golf de Saint-Prime. Moi, je te dirais que oui, d'abord sur plusieurs plans, là, comme je le disais tantôt. Ouais. La performance des golfeurs de Saint-Prime cet été, ça a été extraordinaire. Alors, autant du côté féminin, masculin que senior. Puis là, on a le plus gros programme de développement de la relève dans tous les clubs de la région pour les jeunes. Effectivement, moi, je suis obligé de dire qu'il y a une ambiance renouvelée et extrêmement agréable. Là, tous les employés, sans exception, nous ont dit cette année que c'était agréable de travailler. On les a rencontrés à deux reprises. On leur a fait part des objectifs mesurables qu'on voulait atteindre puis de ce qu'on voulait améliorer, particulièrement la qualité du parcours qu'on l'a eu puis les performances de nos golfeurs, je pense, en témoignent. La qualité du service, mais surtout la qualité de l'accueil et la courtoisie, puis l'ensemble des employés ont répondu présent là-dessus, d'une part, puis d'autre part, l'arrivée de Gilles Larouche à la direction générale et Jonathan Lambert avec notre surintendant Jean Grenier, puis l'adjointe à la direction, puis l'ensemble de nos employés, ça a fait en sorte qu'effectivement, s'imprime sur le lac Saint-Jean, puis je le dis avec fierté également parce que c'est le cas. Il a brillé cet été, il s'est distingué là sur le plan régional. N'eût été de ce déficit-là, nous autres, puis encore là, je le réitère, là, c'est largement imputable à la mauvaise température de cet été, puis c'est le cas pour tous les clubs. On a connu une saison extraordinaire à Saint-Prime. Sur effectivement. Au niveau de la performance, c'était bon. C'était bon également avec les activités. Quelles activités? Hey, dis-moi dans l'ensemble, Ouais, c'était bon avec les événements, ouais. Dani. Tu sais, le méga golf, là, on est le seul club qui a ouvert cette fin de semaine-là. Même au Saguenay, je pense à Saint-Gédéon, ils ont fermé cette fin de semaine-là. Le skin game, ça a été extraordinaire. Malgré l'apparence de mauvaise température, on a tout tenu nos événements cette fin de semaine-là. On a connu une augmentation du membership, du nombre de membres. On est le seul club en région qui l'a fait aussi. Puis, on a une participation accrue à toutes nos activités, à tous nos tournois puis à tous nos événements. Alors, tu as raison de préciser qu'effectivement, il y a eu du dynamisme à Saint-Prime. Justement, si on parlait de cette méga activité avec Pierre-Alexandre Bédard, Kevin Fortin-Simard, tu te rappelles de cette activité-là qu'on s'était pogné un petit peu, puis je disais que t'exagérais dans ton nombre. Ça, c'est-tu une affaire que vous allez refaire cette année, ça? On a reconduit, sauf Roger Guillemette, là, qui était disposé à revenir au conseil d'administration s'il n'y avait pas de candidat. Donc, on a reconduit le conseil d'administration presque au complet. Okay. Yves Gravel se joint à nous. On va tenir un lac à l'épaule très prochainement. Et je dois te dire que le Mega Weekend Golf est à l'ordre du jour pour que ça soit renouvelé. Mais ça va être confirmé par le conseil d'administration là, très prochainement. Évidemment, il faut parler à Jonathan, il faut parler à Gilles. On veut l'améliorer. Mais notre intention est de le tenir, puis là, je veux qu'on me prépare un budget en conséquence. Donc, j'aurais le goût de te dire oui, mais de façon non officielle. L'an passé, vous avez ouvert au mois d'avril, tu t'en rappelles. Je me posais la question si c'était trop tôt, ça a été positif. Est-ce qu'au mois d'avril, on peut penser que vous allez ouvrir aussitôt que l'an passé? Ou ça n'a pas valu la peine? Notre intention, regarde, en 2015... On a été le club qui a ouvert le plus tôt, puis on a été le club qui a fermé le plus tard. Au mois de décembre, le 14 décembre, je pense que ça joue au golf encore à Saint-Prime. Oui, puis on a des gens du Saguenay, du lac Saint-Jean, là, de la région d'Alma, de Dolbeau qui sont venus. Alors, notre intention est d'ouvrir les premiers et de fermer les derniers, mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de service outre... Il n'y a pas de bar puis il n'y a pas de restauration, là. Mais parce qu'on veut diminuer les coûts, sinon, dans les journées où il fait pas beau, ben nous, on a du personnel de rentrée. Alors, faut juger, là, faut prendre des risques, mais des risques calculés. Alors, on a du personnel qui est là en permanence. On les met à la réception, mais comme je le disais, on a l'intention, puis je suis convaincu qu'on va le faire, d'ouvrir les premiers puis de fermer les derniers. Okay. Si on parlait maintenant du CA, tu en as parlé un peu au niveau du CA. Je pense qu'il y en a un qui est parti puis qu'il y en a seulement un qui arrive, c'est ça? Exact. Là, nous, on a une formule d'alternance. Là, il y a 3 candidats sur 7 une année, puis l'autre année, 4 candidats sur 7. C'est des mandats de 2 ans. Donc, à tous les 2 ans, il y a 3 ou 4 nouveaux, là, en principe. À moins qu'ils reconduisent. Alors, cette année, moi, comme l'année passée, j'avais repris la présidence, que j'avais déjà occupé un certain nombre d'années, là, mais en lien avec le projet de développement domiciliaire puis la reconfiguration du golf, le projet n'étant pas encore autorisé. Alors, j'ai décidé de reconduire mon mandat. Alors, l'Assemblée m'a reconduit dans mon mandat. 6, comme je te disais, sur 7, ont reconduit leur mandat, ont été... Ben, écoute, à quelque part, quand vous êtes embarqué l'an passé, c'est une relance, là. Fait que puis une relance, ça se fait pas dans un an. Oui, mais selon les échéanciers qu'on avait prévus à l'époque, ça devait être plus rapide que ça, les réponses sur le projet. Mais, regarde, donc, on va composer avec ça. Puis on est encore, là, très déterminés et très motivés à réaliser le projet puis à améliorer le produit golf à Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. D'ailleurs, je sais que tu as parlé à Kevin, puis tu as aussi parlé du sommet qui s'est tenu à Bromont. Moi, je dois te dire, là, en toute sincérité, mais de façon bien, bien humble, là, que ce qui a été proposé au club de golf au sommet de Bromont, ben tout ça avait été discuté et mis en œuvre cette année, nous autres, à Saint-Prime. Là. L'accueil, développer la relève, réinvestir, c'est toutes des choses qu'on a faites. Parlons-en du projet, ça n'est rendu? C'est sûr que quand c'est politique, c'est très long. Oui, ben là, en fait, il a été déposé le 10 novembre parce que faut se rappeler que tous les projets de développement domiciliaire de la municipalité, y incluant celui du secteur golf, ont été déposés le 10 novembre. Alors, on nous a informé que les réponses étaient fort probablement positives et imminentes, là, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des réponses prochainement. Mais on attend d'avoir les autorisations gouvernementales pour procéder, pour être légitime et légal, d'une part. Puis d'autre part, on a aussi, avec la municipalité, là, signé un protocole d'entente. En tout cas, on s'apprête à signer un protocole d'entente. On va avoir une lettre de collaboration avec la municipalité. Ça aussi, c'est très positif pour les 5 prochaines années. Alors, tout ça est en lien avec le projet de développement golf. Alors, bien sûr, on attend les réponses, mais on a un accord avec les deux autres partenaires, c'est-à-dire la municipalité de Saint-Prime et Rio Tinto, parce que vous savez que Rio Tinto est en partie propriétaire du bord du lac. On est autorisé à vendre les terrains. Puis, en vendant les terrains, on a 28 demandes pour les 22 terrains disponibles. En vendant les terrains, nous, on va pouvoir mettre cet argent-là en fidéocommis. Puis en mettant l'argent en fidéocommis, ça envoie le signal à l'institution financière qu'on est en train de redresser le club, puis ils vont nous faire un prêt. C'est déjà accordé d'ailleurs, ça reste à être confirmé, mais c'est déjà autorisé. Alors, on est en mesure là de passer l'hiver, nous autres, d'ouvrir la saison 2016. Puis aussitôt que les confirmations du gouvernement vont être faites, on va démontrer qu'on sauve le club pour un certain nombre. Y a-t-il beaucoup de demandes pour ces terrains-là? Ça doit être sur le bord du lac de même. Ça doit être 28. Puis c'est une possibilité de... Ouais, au moment où on se parle 28, là, on procède à la vente des terrains par tirage au sort. Puis si on les vend pas toutes, on devrait procéder ultérieurement, là, probablement au printemps, parce qu'on voudrait peut-être que les gens puissent venir voir les terrains. On va probablement faire un appel public au printemps, mais compte tenu que on a déjà beaucoup de demandes, s'il y en a qui sont intéressés, c'est l'heure, là, parce qu'on va procéder à un tirage là, très prochainement. Est-ce que c'est pas mieux les enchères, tant qu'à ça? Nous, notre théorie, c'était d'aller en encan décroissant au départ. Okay. Puis, évidemment, celui qui offre le plus a le choix du premier terrain. Mais on nous a dit que ça pouvait occasionner des malentendus, de la chicane entre certains propriétaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a statué sur la valeur des terrains. On a trois lots, dont ceux qui sont près de la plage publique de Saint-Prime, là, que les gens connaissent, sont à 135 000. Les autres sont à 125 000, puis les sept terrains en arrière de la rue qui vont être contigus ou limitrophes au club de golf sont à 35 000. Alors, c'est pour ça qu'on tire au hasard parmi ceux qui ont démontré de l'intérêt. Puis au moment où on se parle, pour 22 terrains mis en vente, nous avons 28 demandes. 22 terrains, donc 28 demandes. Puis vous n'avez pas fait beaucoup de publicité, il faut le dire. Non, on n'a pas fait d'appel public, c'est ça. Mais compte tenu des besoins de liquidité à court terme, là, tu comprends qu'on a besoin d'argent. Ouais. Alors, on procède, là, puis comme je te dis, si on les vend pas toutes, on va faire ultérieurement un appel public. Dans un monde idéal, ça devrait rapporter quoi, 800 000 à peu près? Un petit peu plus, je te dirais, parce que, regarde, je te ferai pas le total, là, mais 4 fois 135, puis 7 fois 125. OK. Plus 7 fois 35. Alors, on est approche à 1,4. On a des dépenses, évidemment, pour des infrastructures. On a des dépenses pour la reconfiguration du parcours. Mais ces dépenses-là sont largement inférieures aux bénéfices qu'on fait avec la vente des terrains. C'est la raison pour laquelle, avec ces bénéfices-là, on va mettre pendant un certain nombre d'années un montant dans un fonds de réserve pour combler nos déficits d'opération, payer une partie de la dette et se donner un budget d'immobilisation, là, c'est-à-dire acquérir de l'équipement, de la machinerie, des bâtiments. Ça, vous ne passerez pas à 9 trous ou à 12 trous, là. Ça, vous allez rester à 18. Non, on garde. Vous allez rester à 18. Ah non, on garde. Non seulement on garde les 18 trous, mais dans la perspective qu'on va recevoir en 2017 le championnat provincial junior, notre terrain va passer de 6400 verges à 6750 verges. On l'agrandit. Gros scoop que tu viens de m'annoncer là. Donc, vous allez accueillir le championnat provincial junior. C'est ça. C'est. Rémi, ça faisait longtemps que vous travaillez là-dessus? Ça fait depuis le printemps passé, finalement, qu'on a décidé d'adresser une demande à Golf Québec. Puis comme je te le disais, tous les clubs de la région sont unanimes, puis derrière la demande du club de golf de Saint-Prime, il n'y a aucun autre club en région qui va nous compétitionner. Donc, c'est sûr et certain que 2017, ça va être confirmé prochainement, que Saint-Prime sur le lac Saint-Jean va être le club haut du championnat provincial. Est-ce que c'est la première fois que ça se tient au sein du lac Saint-Jean? Ça s'est déjà tenu, semble-t-il, à Chicoutimi, au Saguenay, à Saguenay. Mais peut-être Lac-Saint-Jean, je ne sais pas. Mais certainement à Saint-Prime pour la première fois. Ben merci beaucoup. Félicitations. Grosse primeur ce matin. On se reparle très, très bientôt, Rémi. Merci voilà, bien. Rémi Kurtnus, le président du club de golf de Saint-Prime.